romantique à l'effet, il eût pu se faire en effet que j'exagère, que je rédige des pamphlets ou que tout nu dans les forêts, vivant d'eau claire, j'écrive des romans anglais, que j'enlève une nuit de mai, la fable d'un vizir très laid, dans ma galère. Qu'échouant dans ses projets, et je disparais à tout jamais, dans le fond du lac du Bourget, la triste affaire, la triste affaire. Car lorsqu'on est un romantique, on a la fibre poétique, on nage dans le fantastique, c'est magnifique. On idolâtre le moresque, les attaquants, les arabesques, et les pirates barbares, c'est titanesque. On est attendu par les pères, car nos amours sont éternels. Si nous les croyons infidèles, alors fidèles, alors fidèles. Bref, un romantique romantique porte des filets rouges briques, c'est pyramide alexandrique, c'est romantique. Grâce à vous, mes dignes tuteurs, j'ai pu modérer mes ardeurs trop généreuses. Je fréquente les bons faiseurs au lieu de vivre sans pudeur et sans valeur. J'écris nos belles des fadeurs au lieu de faire des horreurs avec les dames de couleur. Fort dangereuse, je préfère envoyer des fleurs, je suis romantique de cœur, mais je veux l'être sans douleur, la vie heureuse, la vie heureuse. Car lorsqu'on est un romantique, on est éthique, on est lyrique, on est tragique, on est gothique. C'est magnifique, on lit des récits de torture, de paladins, de pierres pures, et d'assassins dans les tentures, en l'aventure. Pour un bâtonnant de paupières, de quelques pères serronnières, ce ne sont que coups de rapière, c'est sanguinaire, un romantique qui se pique doit se parler dans l'exotique, l'histoire d'une nostalgie.